Analyse du 15 juin 2023, Thierry Pirlo, Sherpa One. Elon Musk, le couteau suisse de l'Alliance. Je vous partage aujourd'hui l'analyse de Benjamin Fulford concernant Elon Musk. Changement climatique, la prochaine crise mondiale dévoilée. Alors qu'Elon Musk se retrouve au bord de l'inculpation, l'État profond, en alliance avec la DARPA et la CIA contrôlée par les Rockefeller, lance une offensive implacable pour faire tomber Musk et reprendre le contrôle de Twitter, qui est un outil vital dans leur agenda. Mais les bonnets blancs ne reculent pas, employant des opérations de théorie des jeux et des contre-mesures pour protéger leur intérêt. Des rapports internes surprenants révèlent que Musk n'est pas un simple pion, mais un appât stratégique, délibérément placé pour exposer la vérité. Ses connaissances englobent des événements et des problèmes cruciaux, ainsi que la corruption profonde qui règne au sein de l'État profond. Des sociétés LLC secrètes, au vaste complexe militaro-industriel, en passant par le contrôle insidieux de la CIA DARPA sur les médias sociaux, Musk possède des informations qui pourraient le faire s'effondrer l'ensemble de l'appareil de l'État profond. De manière choquante, il détient des informations vitales sur les armes classifiées déployées lors des fameuses attaques du 11 septembre, dévoilant ainsi la vérité derrière ce jour fatidique. Unveiling the Veiled, Deep State Desperate Pursuit. En coulisses, la machinerie militaire de l'État profond se démène désespérément pour saisir les serveurs, les ordinateurs et les systèmes de stockage de données de Musk, qui sont hébergés dans des installations souterraines non divulguées en Californie, au Texas et en Floride. Ces opérations secrètes sont reliées à SpaceX, où des superordinateurs de pointe et des ordinateurs quantiques alimentent des avancées technologiques révolutionnaires. La profonde compréhension qu'a Musk de l'implication de l'armée dans le 11 septembre devient encore plus significative lorsqu'il dévoile la vérité derrière l'utilisation des armes énergétiques Tesla, qui exploitent la puissance infinie de l'énergie du point zéro. Ces forces énigmatiques, invisibles à l'œil nu, imprègnent nos vies et façonnent notre destin. Déclassifier les secrets, les révélations de John Hutchinson. John Hutchinson, dont les expériences révolutionnaires et les projets confidentiels des années 1970 l'ont conduit sur la voie de l'énergie du point zéro et de la technologie antigravitationnelle de Tesla. Si ces découvertes ont choqué ses collègues, les militaires étaient depuis longtemps conscients du potentiel caché dans ces domaines énergétiques, depuis les années 1950. L'incursion des Hutchinson dans les domaines de l'électrostatique, des champs magnétiques et des générateurs de radiofréquences a donné des résultats étonnants. Ces expériences sur l'énergie du point zéro ont enflammé du bois sans aucune trace visible et réduit les structures métalliques en poussière en un instant. Revisiter le 11 septembre. En réexaminant les événements catastrophiques du 11 septembre sous un nouvel angle, nous assistons à l'effondrement particulier des tours. Au lieu de s'écrouler de manière conventionnelle, elles sont désintégrées en cendres fines en quelques instants. La version officielle, selon laquelle la chaleur intense dégagée par l'écrasement des avions a fait fondre l'acier, est démentie par la présence de personnes se tenant à proximité des colonnes d'acier intactes quelques instants avant l'effondrement. Les millions de tonnes d'acier utilisées dans la construction des tours jumelles ont mystérieusement disparu, laissant derrière elles un résidu de cendres. L'alliance de Musk avec les chapeaux blancs, dévoiler des projets classifiés. Musk, agissant de concert avec les chapeaux blancs au sein de l'armée, a intentionnellement intégré des projets classifiés et des secrets militaires dans sa vaste base de données, aux grandes âmes de l'État profond. Par le biais de ses filiales, de ses sources et de ses contacts, Musk a entamé un processus de divulgation progressive depuis 2016. Opérant par le biais de liens intraçables, il a financé des projets dans le monde entier, révélant des informations classifiées relatives au sinistre agenda de la cabale, y compris la vérité sur le vaccin de la mort et la pandémie. Très bonne analyse de Fulford sur Elon Musk, le couteau suisse de l'Alliance. Bien à vous, Sherpa One.